Les ondes de CKJM, Michel Tifo s'est entretenu avec le gardien de but des Saguenay de Chicoutimi, Zachary Boutillier, qui a été repêché par les Leafs de Toronto. Donc, on écoute cette entrevue. Il a connu toute une saison l'an dernier avec les Saguenay de Chicoutimi. C'est le gardien de but, Zachary Boutillier, qui a été repêché en fin de semaine par les Maple Leafs de Toronto. Zachary est avec nous au téléphone. Bonjour, Zachary. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, très bien. Repêché un petit peu vers la fin. Est-ce que tu as craint à un moment donné de ne pas être repêché? Je dirais qu'à la suite de quelques sélections au sixième tour d'autres gardiens du Québec, je dirais que j'attendais que mon tour arrive. Puis rendu en début de septième ronde, je pensais que ça allait plus s'enligner pour une invitation à un camp pro, mais au 209e rang, ben, je me suis fait sélectionner par les Leafs de Toronto. Ça doit être tout qu'un pincement au cœur, être repêché dans la Ligue nationale de hockey. Ah, c'est sûr que c'est un feeling incroyable. Avec tous les efforts qu'on met, les joueurs, après plusieurs années, avoir travaillé fort avec l'objectif d'atteindre la Ligue nationale, ben, ça fait un petit vélo, c'est certain. Comment était la... T'étais là-bas, Darlis? Comment était l'ambiance? C'était excellent. On a vraiment été très bien accueillis à Dallas. Le repêchage s'est très bien passé. Dans la deuxième journée, ça roulait assez vite. Il y avait encore des fans dans les estrades jusqu'à la fin du repêchage. Donc, ça a vraiment été une belle expérience à vivre. Tes parents t'ont bien épaulé aussi dans ce week-end? Ah oui, c'est certain. Juste le fait de prendre l'avion, d'acheter les billets pour aller... à Dallas pour 3 ou 4 jours. Déjà là, c'est beaucoup, mais ça me surprend pas de leur part. Ils ont toujours été là pour moi, toujours été toujours supportés dans peu importe ce que je faisais. Donc, c'était vraiment une belle fin de semaine en famille. Est-ce que tu as parlé au directeur général Brendan Shanahan ou encore au coach Mike Babcock? Oui, je les ai rencontrés un peu. C'est sûr que la journée du repêchage, c'est vraiment... C'est sans arrêt. Je leur ai adressé quelques mots, mais présentement, je suis à Toronto. Ils sont pas là pour le camp de développement, mais au mois de septembre, je vais probablement pouvoir les rencontrer puis parler plus avec eux. Là, tu as ton chandail des Maple Leafs de Toronto bien accroché dans ta chambre? Oui, c'est certain. Il vient à côté du chandail de Chicoutimi. Là, c'est un nouveau chandail... accroché dans ma chambre que je portais avec beaucoup de fierté un jour. Quand tu es arrivé là-bas à Dallas, tu t'attendais d'être sélectionné par quelle équipe? Il y avait Toronto sûrement parce qu'ils t'ont sélectionné, donc ils t'ont parlé, mais quelles étaient les autres équipes dans le décor? Il y avait Toronto, comme tu l'as dit, certainement. Il y avait Buffalo, Anaheim. Il y avait, je dirais, une douzaine, presque une quinzaine d'équipes qui étaient très intéressées à m'avoir dans leur rang, mais finalement, les rondes ont passé sans que je me fasse sélectionner par aucune de ces équipes-là. Finalement, ben, c'est les Maple Leafs qui m'ont choisi. Là. Ce qui est intéressant pour un joueur réclamé en fin de semaine, c'est que les Maple Leafs de Toronto, c'est l'une des équipes d'avenir dans la Ligue nationale. Ah oui, c'est certain. Le futur va être splendide pour l'organisation des Maple Leafs. Beaucoup d'excellents jeunes joueurs. Vraiment content de pouvoir peut-être embarquer dans ce processus-là puis d'avoir ma place dans une équipe gagnante dans le futur. Est-ce que tu sais s'il y a plusieurs gardiens de but dans l'organisation des Maple Leafs de Toronto? Il n'y en a pas une très grande quantité. Je dirais que le timing était bon pour moi de se faire repêcher là. C'est ce que mon agent me dit. Donc, non, pas beaucoup d'autres gardiens de but. C'est sûr que ceux qui sont là, c'est des excellents gardiens. Le développement des gardiens de but à Toronto est vraiment excellent. Donc, c'est sûr que ça a été difficile de faire ma place, mais ça fait partie d'une carrière de hockey. Puis je vais travailler fort pour me rendre là. Qu'est-ce qui t'attend, Zachary, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Le camp d'entraînement des Sags débute deuxième, troisième semaine de août. Est-ce que tu dois te rendre à Toronto? As-tu un camp d'été? Comment ça fonctionne les prochaines semaines pour toi? Je suis déjà à Toronto depuis maintenant 2 jours. C'est le camp de développement qui se passe en ce moment. Puis après ça, ben, ça va aller au camp des recrues des Maple Leafs, je pense au mois de septembre. Donc, je vais participer au camp des Saguenay, c'est certain. Mais présentement, je suis à Toronto. Dans ma chambre d'hôtel, on vient de finir nos entraînements de la journée, puis on se prépare pour aller souper. Est-ce que tu as rencontré des joueurs de l'édition des Maple Leafs, des joueurs réguliers? Non, pas présentement. C'est vraiment c'est un camp réservé aux plus aux jeunes qui ont été repêchés, je dirais, dans cette année ou jusqu'à 3 ans dans le passé. Les joueurs qui ont été invités aussi, donc il n'y a pas de joueurs réguliers qui sont là présentement. Les coachs de gardiens sont là, par exemple, donc ça, c'est vraiment le fun pour les gardiens qui sont là dans le camp présentement. Là. Est-ce que vous jouez des parties? Ben c'est seulement de l'entraînement. Là, pour les 3 premières journées, on va faire des pratiques. Les gardiens, on est vraiment choyés d'avoir des pratiques de gardien de but avec les coachs, des pratiques personnellement presque personnalisées. Oui, on est 4 gardiens, il y a 2 entraîneurs de gardiens, donc c'est vraiment parfait. Les parties intra-équipe vont commencer à partir de jeudi, je crois. Le calibre doit être assez fort, Zachary. Ce sont tous des jeunes joueurs qui frappent à la porte de la Ligue nationale. Oui, il y a du talent ici à Toronto. Il y a du talent, hein? On a hâte de faire les parties et pouvoir voir tout le monde en même temps, voir de quoi ça va de l'air. Mais c'est sûr que ça va être un calibre de jeu très élevé, c'est certain. Zachary, peux-tu nous parler un petit peu de ta dernière saison? Comment s'est faite la transition entre les Cataractes de Shawinigan et les Saguenayens? Ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il y a eu une période d'ajustement, de changer de coaching staff. C'est sûr que des fois, ça apparaît, mais surtout pour moi, c'est avec l'entraîneur de gardien, mais on était vraiment content de pouvoir travailler ensemble. Je pense que j'ai vraiment grandi de ça. L'organisation des Saguenay est vraiment une des meilleures dans la GMQ. Puis je pense qu'ils ont tout fait pour que le changement d'équipe se fasse bien. La transition s'est faite tranquillement et avec beaucoup d'aide de la part de l'organisation. Une bonne pension, donc oui, ça s'est très bien passé en général. Un gars comme Claude Bouchard, qui était l'entraîneur des Cataractes, avait travaillé avec lui avec les Cataractes, maintenant avec les Sags, comme adjoint d'Yannick Jean. Un gars comme Claude Bouchard a dû t'aider aussi parce qu'il connaît tout le monde. Ah oui, c'est sûr que Claude m'a aidé. Ça le fait aussi d'avoir des visages que je connaissais plus. Donc avec Xavier Pouliot aussi, c'est parvenu. C'était fun de retrouver des personnes que je connaissais déjà. Plus personnellement que d'autres que j'avais pu côtoyer avant, mais j'ai été choyé d'avoir été aussi bien accueilli à Chicoutimi. Avec une équipe très jeune, les Sags ont connu énormément de succès l'an dernier dans les séries éliminatoires, entre autres contre les champions, les Titans de Acadie Batters, et Zachary Boutillier y a été pour quelque chose. Comment tu te motivais à garder les buts contre cette puissance? Chaque match, c'était un beau défi. On n'avait rien à perdre. On voulait juste aller là, puis peut-être causer une surprise, juste essayer de donner le meilleur qu'on avait. Donc, on n'avait pas de pression sur nos épaules. On savait que les odds étaient contre nous. On est juste allé là pour avoir du fun, puis donner tout ce qu'on avait. Puis c'est comme ça que toute l'équipe s'est motivée à bien performer contre Acadie Batters d'un série. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ta relation avec l'autre gardien de but, Alexis Chang, qui est également un bon gardien de but. Parce que dans le fond, vous êtes des coéquipiers, mais vous êtes un petit peu en compétition, un petit peu pas mal. Ben, c'est sûr que c'est comme ça que ça se passe dans le monde du hockey. J'ai une excellente relation avec Alexis. C'est lui qui me transportait en auto cette année. Donc, on s'est côtoyés souvent, même quand on n'était plus à l'aréna. Super belle relation avec lui, une belle compétition saine entre les deux pour essayer de ressortir le meilleur de chacun de chacun de nous. Alors, ça a été une belle année, c'est sûr qu'il y a toujours une petite compétition, comme je disais, mais c'était sain, ça nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu continuer dans la saison avec lui. Est-ce que vous vous donnez des conseils en gardien de vue? Oui, on essaie toujours de s'aider. Avec l'entraîneur des gardiens, on n'a pas peur de discuter les trois ensemble pour essayer de résoudre et de trouver des solutions à certaines situations de jeu. Donc, Oui, regarde, ça a vraiment été un beau travail d'équipe, les trois ensemble cette année. Les deux prochaines saisons s'annoncent très prometteuses pour les Saguenay-Chicoutimi. Il y a des jeunes joueurs très prometteurs qui s'en viennent. Il y a un bon noyau, deux bons gardiens de but. Il y a des bons joueurs en attaque, de la bonne défensive. As-tu hâte de commencer la prochaine saison, même si on sait que tu vas aller au camp d'entraînement des Maple Leafs de Toronto? C'est sûr que j'ai hâte de commencer la prochaine saison. J'ai hâte de voir de quoi on est capable l'an prochain. Donc, j'ai vraiment hâte que ça commence, qu'on puisse trouver qu'on est une équipe qui est maturée par rapport à la saison dernière, qui a beaucoup plus d'expérience dans la LGMQ. Donc, je regarde ça de manière positive et optimiste pour la prochaine saison. À date, là, Zachary, est-ce que tu es content de ton développement depuis un an avec les Saguenay-Chicoutimi? Extrêmement content. Il y a eu des périodes plus difficiles avant les fêtes, mais ils m'ont donné toute l'aide que j'avais besoin pour vraiment m'aider à progresser le plus possible. Puis je pense que je peux juste les remercier pour ça. Et j'ai hâte de donner tout ce que j'ai pour cette équipe-là l'an prochain. Qu'est-ce que tu dois améliorer, Zachary, pour atteindre la Ligue nationale d'après toi, là? Il faut que je facilite la façon dont je garde les buts. Je sais que je suis capable de faire les gros arrêts, mais ça peut être d'être un gardien le plus en contrôle possible pour faciliter mon propre travail. Puis ça met les joueurs en confiance. Donc, je vais mettre tous les efforts nécessaires cet été avec mon entraîneur de gardien pour arriver prête au camp puis juste améliorer un peu de tout, c'est certain. Est-ce qu'il y a une explication? Tu portes le numéro 33 avec les Sags. Est-ce qu'il y a une explication pour le numéro 33? On me demande souvent si c'est à cause de Patrick Roy. Ça l'est pas. Il n'y a pas vraiment de raison spéciale autre que j'adorais ce numéro-là. Je trouve que c'est un beau numéro. C'est avec ce numéro-là que j'ai commencé quand j'étais plus jeune dans la tombe. Donc. T'as toujours porté le numéro 33? Oui, sauf quand une saison quand j'étais plus jeune qui n'était pas disponible, puis à part pour Shaoui, parce qu'il était un numéro qui était retiré à cause de Patrick Lalime, j'ai toujours eu le 33 dans ma carrière. OK. Écoute, on te souhaite bonne chance à cette invitation là au camp de recrues des Maple Leafs de Toronto. On a bien hâte de te retrouver au camp d'entraînement des Sags et honnêtement, je te souhaite... Combien tu mesures, toi, Zachary? T'es grand, là, 6 pieds... 2,5. Hey! 6 pieds... En tout cas, t'as le physique de l'emploi, là. Des grands gardiens de but, là, on aime ça dans la Ligue nationale. Oui, effectivement. Écoute, Zachary, je te souhaite une belle fin de carrière avec les Sags et puis un jour, peut-être, avec les Maple Leafs de Toronto. Oui. Au revoir. Merci beaucoup, Zachary. Au revoir. Au revoir. Zachary Boutillier, gardien de but des Sags, repêché au 7e tour par les Maple Leafs de Toronto. Parle bien, jeune homme. Je vais poser la question tantôt